Le Grand Mône, troisième partie. Chapitre premier, la baignade. Fumer la cigarette, se mettre de l'eau sucrée sur les cheveux pour qu'ils frisent, embrasser les filles du cours complémentaire dans les chemins et crier « à la cornette !» derrière la haie pour narguer la religieuse qui passe, c'était la joie de tous les mauvais drôles du pays. À 20 ans, d'ailleurs, les mauvais drôles de cette espèce peuvent très bien s'amender et deviennent parfois des jeunes gens fort sensibles. Le cas est plus grave lorsque le drôle en question a la figure déjà vieillotte et fanée, lorsqu'il s'occupe des histoires louches des femmes du pays, lorsqu'il dit de Gilberte Poquelin 1000 bêtises pour faire rire les autres. Mais enfin, le cas n'est pas encore désespéré. C'était le cas de Jasmin Delouche. Il continuait, je ne sais pourquoi, mais certainement sans aucun désir de passer les examens, à suivre le cours supérieur que tout le monde aurait voulu lui voir abandonner. Entre-temps, il apprenait avec son oncle Dumas le métier de plâtrier. Et bientôt, ce Jasmin Delouche, avec Boujardon et un autre garçon très doux, le fils de l'adjoint qui s'appelait Denis, furent les seuls grands élèves que Gémas a fréquentés, parce qu'ils étaient du temps de Mône. Il y avait d'ailleurs chez Delouche un désir très sincère d'être mon ami. Pour tout dire, lui qui avait été l'ennemi du grand Mône, il eût voulu devenir le grand Mône de l'école. Tout au moins, regrettait-il peut-être de n'avoir pas été son lieutenant. Moins lourd que Boujardon, il avait senti, je pense, tout ce que Mône avait apporté dans notre vie d'extraordinaire. Et souvent je l'entendais répéter « Il le disait bien, le grand Mône !» Ou encore « Ah !» disait le grand Mône. Outre que Jasmin était plus homme que nous, le vieux petit gars disposait de trésors d'amusement qui consacraient sur nous sa supériorité. Un chien de race mêlé, au long poil blanc, qui répondait au nom agaçant de Bécali et rapportait les pierres qu'on lançait au loin, sans avoir d'aptitude bien nette pour aucun autre sport. Une vieille bicyclette achetée d'occasion, et sur quoi Jasmin nous faisait quelquefois monter le soir après le cours, mais avec laquelle il préférait exercer les filles du pays. Enfin et surtout, un âne blanc et aveugle qui pouvait s'atteler à tous les véhicules. C'était l'âne de Dumas, mais il le prêtait à Jasmin quand nous allions nous baigner au Cher en été. Sa mère, à cette occasion, donnait une bouteille de limonade que nous mettions sous le siège, parmi les caleçons de bain desséchés. Et nous partions, 8 ou 10 grands élèves du cours, accompagnés de M. Serel, les uns à pied, les autres grimpés dans la voiture à âne, qu'on laissait à la ferme de Grand Fond, au moment où le chemin du Cher devenait trop raviné. J'ai lieu de me rappeler, jusqu'en ses moindres détails, une promenade de ce genre, où l'âne de Jasmin conduisit au Cher nos caleçons, nos bagages, la limonade et M. Serel, tandis que nous suivions à pied par derrière. On était au mois d'août. Nous venions de passer les examens. Délivrés de ce souci, il nous semblait que tout l'été, tout le bonheur nous appartenait, et nous marchions sur la route en chantant, sans savoir quoi ni pourquoi, au début d'un bel après-midi de jeudi. Il n'y eut, à l'aller, qu'une ombre à ce tableau innocent. Nous aperçûmes, marchant devant nous, Gilberte Poquelin. Elle avait la taille bien prise, une jupe demi-longue, des souliers hauts, l'air doux et effronté d'une gamine qui devient jeune fille. Elle quitta la route et prit un chemin détourné pour aller chercher du lait, sans doute. le petit coffin proposa aussitôt à Jasmin de la suivre. « Ce ne serait pas la première fois que j'irai l'embrasser, » dit l'autre. Et il se mit à raconter sur elle et ses amis plusieurs histoires grivoises, tandis que toute la troupe, par fanfaronnade, s'engageait dans le chemin, laissant M. Sorel continuer en avant, sur la route, dans la voiture à âne. Une fois là, pourtant, la bande commença à s'égrener. Delouche lui-même paraissait peu soucieux de s'attaquer devant nous à la gamine qui filait, et il ne l'approcha pas à plus de 50 mètres. Il y eut quelques cris de coqs et de poules, des petits coups de sifflet galants, puis nous rebroussâmes chemin, un peu mal à l'aise, abandonnant la partie. Sur la route, en plein soleil, il fallut courir. Nous ne chantions plus. Nous nous déshabillâmes et rhabillâmes dans les saulaies arides qui bordent le Cher. Les saules nous abritaient des regards, mais non pas du soleil. Les pieds dans le sable et la vase desséchée, nous ne pensions qu'à la bouteille de limonade de la veuve Delouche, qui fraîchissait dans la fontaine de Grand Fond, une fontaine creusée dans la rive même du Cher. Il y avait toujours, dans le fond, des herbes glauques et deux ou trois bêtes pareilles à des cloportes. Mais l'eau était si claire, si transparente, que les pêcheurs n'hésitaient pas à s'agenouiller, les deux mains sur chaque bord, pour y boire. Hélas, ce fut ce jour-là comme les autres fois. Lorsque, tous habillés, nous nous mettions en rond, les jambes croisées en tailleur, pour nous partager dans deux gros verres sans pied la limonade rafraîchie, il ne revenait guère à chacun, lorsqu'on avait prié M. Sorel de prendre sa part, qu'un peu de mousse qui piquait le gosier et ne faisait qu'irriter la soif. Alors, à tour de rôle, nous allions à la fontaine que nous avions d'abord méprisée, et nous approchions lentement le visage de la surface de l'eau pure. Mais tous n'étaient pas habitués à ces mœurs d'hommes des champs. Beaucoup, comme moi, n'arrivaient pas à se désaltérer. Les uns parce qu'ils n'aimaient pas l'eau, d'autres parce qu'ils avaient le gosier serré par la peur d'avaler un cloporte. D'autres, trompés par la grande transparence de l'eau immobile, et n'en sachant pas calculer exactement la surface, s'y baignaient la moitié du visage en même temps que la bouche, et aspiraient âcrement par le nez une eau qui leur semblait brûlante. D'autres, enfin, pour toutes ces raisons à la fois. N'importe, il nous semblait, sur ces bords arides du Cher, que toute la fraîcheur terrestre était enclose en ce lieu. Et maintenant encore, au seul mot de fontaine, prononcé n'importe où, c'est à celle-là, pendant longtemps, que je pense. Le retour se fit à la brune, avec insouciance d'abord, comme l'allée. Le chemin de Grand Fond, qui remontait vers la route, était un ruisseau l'hiver, et l'été, un ravin impraticable, coupé de trous et de grosses racines, qui montait dans l'ombre entre de grandes haies d'arbres. Une partie des baigneurs s'y engagea par jeu. Mais nous suivîmes, avec M. Sorel, Jasmin et plusieurs camarades, un sentier doux et sablonneux, parallèle à celui-là, qui longeait la terre voisine. Nous entendions causer et rire les autres, près de nous, au-dessous de nous, invisibles dans l'ombre, tandis que Delouche racontait ses histoires d'hommes. Au faîte des arbres de la grande haie, grésillaient les insectes du soir qu'on voyait sur le clair du ciel, remués tout autour de la dentelle des feuillages. Parfois, il en dégringolait un brusquement, dont le bourdonnement en grinçait tout à coup. Beau soir d'été calme. Retour sans espoir, mais sans désir, d'une pauvre partie de campagne. Ce fut encore Jasmin, sans le vouloir, qui vint troubler cette quiétude. Au moment où nous arrivions au sommet de la côte, à l'endroit où il reste deux grosses vieilles pierres, qu'on dit être les vestiges d'un château fort, il en vint à parler des domaines qu'il avait visités, et spécialement d'un domaine à demi abandonné aux environs du vieux Nançay, le domaine des Sablonnières. Avec cet accent de l'Allier qui arrondit vaniteusement certains mots et abrège avec précocité les autres, il racontait avoir vu, quelques années auparavant, dans la chapelle en ruine de cette vieille propriété, une pierre tombale sur laquelle étaient gravés ces mots. Sigi le chevalier gallois, fidèle à son dieu, à son roi, à sa belle. Ah bah, tiens, disait M. Sorel avec un léger haussement d'épaules, un peu gêné du ton que prenait la conversation, mais désireux cependant de nous laisser parler comme des hommes. Alors Jasmin continua de décrire ce château, comme s'il y avait passé sa vie. Plusieurs fois, en revenant du vieux Nançay, Dumas et lui avaient été intrigués par la vieille tourelle grise qu'on apercevait au-dessus des sapins. Il y avait là, au milieu des bois, tout un dédale de bâtiments ruinés que l'on pouvait visiter en l'absence des maîtres. Un jour, un garde de l'endroit qu'ils avaient fait monter dans leur voiture les avait conduits dans le domaine étrange. Mais depuis lors, on avait fait tout abattre. Il ne restait plus guère, disait-on, que la ferme et une petite maison de plaisance. Les habitants étaient toujours les mêmes, un vieil officier retraité, demi-ruiné, et sa fille. Il parlait. J'écoutais attentivement, sentant, sans m'en rendre compte, qu'il s'agissait là d'une chose bien connue de moi. Lorsque soudain, tout simplement, comme se font les choses extraordinaires, Jasmin se tourna vers moi et, me touchant le bras, frappé d'une idée qui ne lui était jamais venue. « Tiens, mais j'y pense, » dit-il. « C'est là que Mône, tu sais, le grand Mône, avait dû aller. »« Mais oui, » ajouta-t-il, car je ne répondais pas. « Et je me rappelle que le garde parlait du fils de la maison. » Un excentrique qui avait des idées extraordinaires. Je ne l'écoutais plus, persuadée dès le début qu'il avait deviné juste et que devant moi, loin de Mône, loin de tout espoir, venait de s'ouvrir, net et facile comme une route familière, le chemin du domaine sans nom. Chapitre 2 Chez Florentin. Autant j'avais été un enfant malheureux et rêveur et fermé, autant je devins résolu et, comme on dit chez nous, décidé, lorsque je sentis que dépendait de moi l'issue de cette grande aventure. Ce fut, je crois bien, à dater de ce soir-là que mon genou cessa définitivement de me faire mal. Au vieux Nançay, qui était la commune du domaine des Sablonnières, habitait toute la famille de M. Sorel, et en particulier mon oncle Florentin, un commerçant chez qui nous passions quelquefois à la fin de septembre. Libéré de tout examen, je ne voulus pas attendre, et j'obtins d'aller immédiatement voir mon oncle. Mais je décidai de ne rien faire savoir à Mône aussi longtemps que je ne serais pas certain de pouvoir lui annoncer quelque bonne nouvelle. À quoi bon, en effet, l'arracher à son désespoir pour l'y replonger ensuite plus profondément, peut-être. Le vieux Nançay fut pendant très longtemps le lieu du monde que je préférais, le pays des fins de vacances, où nous n'allions que bien rarement, lorsqu'il se trouvait une voiture à louer pour nous y conduire. Il y avait eu jadis quelque brouille avec la branche de la famille qui habitait là-bas, et c'est pourquoi, sans doute, Milly se faisait tant prier chaque fois pour monter en voiture. Mais moi, je me souciais bien de ces fâcheries, et, sitôt arrivé, je me perdais et m'ébattais parmi les oncles, les cousines et les cousins, dans une existence faite de mille occupations amusantes et de plaisirs qui me ravissaient. Nous descendions chez l'oncle Florentin et la tante Julie, qui avait un garçon de mon âge, le cousin Firmin, et 8 filles, dont les aînées, Marie-Louise et Charlotte, pouvaient avoir 17 et 15 ans. Il tenait un très grand magasin à l'une des entrées de ce bourg de Sologne, devant l'église, un magasin universel auquel s'approvisionnaient tous les châtelains chasseurs de la région, isolés dans la contrée perdue à 30 kilomètres de toute gare. Ce magasin, avec ses comptoirs d'épiceries et de rouanneries, donnait par de nombreuses fenêtres sur la route et par la porte vitrée sur la grande place de l'église. Mais, chose étrange, quoique assez ordinaire dans ce pays pauvre, la terre battue dans toute la boutique tenait lieu de plancher. Par derrière, c'étaient 6 chambres, chacune remplie d'une seule et même marchandise, la chambre au chapeau, la chambre au jardinage, la chambre aux lampes, que sais-je. Il me semblait, lorsque j'étais enfant et que je traversais ce dédale d'objets de bazar, que je n'en épuiserais jamais du regard toutes les merveilles. Et à cette époque encore, je trouvais qu'il n'y avait de vraies vacances que passées en ce lieu. La famille vivait dans une grande cuisine, dont la porte s'ouvrait sur le magasin. Cuisine où brillaient au fin de septembre de grandes flambées de cheminées, où les chasseurs et les braconniers qui vendaient du gibier à Florentin venaient de grand matin se faire servir à boire, tandis que les petites filles, déjà levées, couraient, criaient, se passaient les unes aux autres du sentibon sur leurs cheveux lissés. Au mur, de vieilles photographies, de vieux groupes scolaires jaunis montraient mon père. On mettait longtemps à le reconnaître en uniforme, au milieu de ses camarades d'école normale. C'est là que se passaient nos matinées. Et aussi dans la cour, où Florentin faisait pousser des dahlias et élevait des pintades, où l'on torréfiait le café assis sur des boîtes à savon, où nous déballions des caisses remplies d'objets divers, précieusement enveloppés, et dont nous ne savions pas toujours le nom. Toute la journée, le magasin était en veille par des paysans ou par les cochers des châteaux voisins. À la porte vitrée, s'arrêtaient et s'égouttaient, dans le brouillard de septembre, des charrettes venues du fond de la campagne. Et de la cuisine, nous écoutions ce que disaient les paysannes, curieux de toutes leurs histoires. Mais le soir, après 8 heures, lorsqu'avec des lanternes on portait le foin aux chevaux dont la peau fumait dans l'écurie, tout le magasin nous appartenait. Marie-Louise, qui était l'aînée de mes cousines, mais une des plus petites, achevait de plier et de ranger les piles de draps dans la boutique. Elle nous encourageait à venir la distraire. Alors, Firmin et moi, avec toutes les filles, nous faisions irruption dans la grande boutique, sous les lampes d'auberge, tournant les moulins à café, faisant des tours de force sur les comptoirs. Et parfois, Firmin allait chercher dans les greniers, car la terre battue invitait à la danse, quelques vieux trombones pleins de verre de gris. Je rougis encore à l'idée que, les années précédentes, Mademoiselle de Galais eût pu venir à cette heure et nous surprendre au milieu de ses enfantillages. Mais ce fut un peu avant la tombée de la nuit, un soir de ce mois d'août, tandis que je causais tranquillement avec Marie-Louise et Firmin, que je la vis pour la première fois. Dès le soir de mon arrivée au Vieux-Nançay, j'avais interrogé mon oncle Firmin sur le domaine des Sablonnières. « Ce n'est plus un domaine, avait-il dit. On a tout vendu, et les acquéreurs, des chasseurs, ont fait abattre les vieux bâtiments pour agrandir leur terrain de chasse. La cour d'honneur n'est plus maintenant qu'une lande de bruyères et d'ajoncs. Les anciens possesseurs n'ont gardé qu'une petite maison d'un étage et la ferme. Tu auras bien l'occasion de voir ici Mademoiselle de Galais. C'est elle-même qui vient faire ses provisions, tantôt en selle, tantôt en voiture, mais toujours avec le même cheval, le vieux Bélisaire. C'est un drôle d'équipage. » J'étais si troublée que je ne savais plus quelle question poser pour en apprendre davantage. « Ils étaient riches, pourtant. »« Oui, Monsieur de Galais donnait des fêtes pour amuser son fils. Un garçon étrange, plein d'idées extraordinaires. Pour le distraire, il imaginait ce qu'il pouvait. On faisait venir des Parisiennes, des gars de Paris et d'ailleurs. Toutes les sablonnières étaient en ruine, madame de Galais près de sa fin, qu'il cherchait encore à l'amuser et lui passait toutes ses fantaisies. C'est l'hiver dernier. Non, l'autre hiver, qu'ils ont fait leur plus grande fête costumée. Ils avaient invité moitié gens de Paris et moitié gens de campagne. Ils avaient acheté ou loué des quantités d'habits merveilleux, des jeux, des chevaux, des bateaux, toujours pour amuser Franz de Galais. On disait qu'il allait se marier et qu'on fêtait là ses fiançailles. Mais il était bien trop jeune et tout a cassé d'un coup. Il s'est sauvé et on ne l'a jamais revu. La châtelaine morte, mademoiselle de Galais est restée soudain toute seule avec son père, le vieux capitaine de vaisseau. « N'est-elle pas mariée ? » demandai-je enfin. « Non, dit-il, je n'ai entendu parler de rien. Serais-tu un prétendant ?» Tout déconcerté, je lui avouai aussi brièvement, aussi discrètement que possible, que mon meilleur ami, Augustin Mohn, peut-être en serait un. « Ah ! » dit Florentin en souriant, « s'il ne tient pas à la fortune, c'est un joli parti. Faudra-t-il que j'en parle, monsieur de Galais ? Il vient encore quelquefois jusqu'ici chercher du petit plomb pour la chasse. Je lui fais toujours goûter ma vieille eau-de-vie de mare. » Mais je le priai bien vite de n'en rien faire, d'attendre. Et moi-même, je ne me hâtai pas de prévenir Mohn. Tant d'heureuses chances accumulées m'inquiétaient un peu. Et cette inquiétude me commandait de ne rien annoncer à Mohn que je n'eusse au moins vu la jeune fille. Je n'attendis pas longtemps. Le lendemain, un peu avant le dîner, la nuit commençait à tomber. Une brume fraîche, plutôt de septembre que d'août, descendait avec la nuit. Firmin et moi, pressentant le magasin vide d'acheteurs un instant, nous étions venus voir Marie-Louise et Charlotte. Je leur avais confié le secret qui m'amenait au vieux Nancy à cette date prématurée. Accoudés sur le comptoir, ou assis les deux mains à plat sur le bois ciré, nous nous racontions mutuellement ce que nous savions de la mystérieuse jeune fille. Et cela se réduisait à fort peu de choses. Lorsqu'un bruit de roue nous fit tourner la tête. « La voici, c'est elle » dirent-ils à voix basse. Quelques secondes après, devant la porte vitrée, s'arrêtait l'étrange équipage. Une vieille voiture de ferme, aux panneaux arrondis, avec de petites galeries moulées, comme nous n'en avons jamais vu dans cette contrée. Un vieux cheval blanc qui semblait toujours vouloir brouter quelque herbe sur la route, tant il baissait la tête pour marcher. Et sur le siège, je le dis dans la simplicité de mon cœur, mais sachant bien ce que je dis, la jeune fille la plus belle qu'il y ait peut-être jamais eu au monde. Jamais je ne vis tant de grâce s'unir à tant de gravité. Son costume lui faisait la taille si mince qu'elle semblait fragile. Un grand manteau marron, qu'elle enleva en entrant, était jeté sur ses épaules. C'était la plus grave des jeunes filles, la plus frêle des femmes. Une lourde chevelure blonde pesait sur son front et sur son visage, délicatement dessinée, finement modelée. Sur son teint très pur, l'été avait posé deux taches de rousseur. Je ne remarquais qu'un défaut à tant de beauté. Au moment de tristesse, de découragement, ou seulement de réflexion profonde, ce visage si pur se marbrait légèrement de rouge, comme il arrive chez certains malades gravement atteints sans qu'on le sache. Alors, toute l'admiration de celui qui la regardait faisait place à une sorte de pitié, d'autant plus déchirante qu'elle surprenait davantage. Voilà du moins ce que je découvrais, tandis qu'elle descendait lentement de voiture, et qu'enfin Marie-Louise, me présentant avec aisance à la jeune fille, m'engageait à lui parler. On lui avança une chaise cirée, et elle s'assit, adossée au comptoir, tandis que nous restions debout. Elle paraissait bien connaître et aimer le magasin. Ma tante Julie, aussitôt prévenue, arriva, et, le temps qu'elle parla, sagement, les mains croisées sur son ventre, hochant doucement sa tête de paysanne commerçante coiffée d'un bonnet blanc, retarda le moment, qui me faisait trembler un peu, où la conversation s'engagerait avec moi. Ce fut très simple. « Ainsi, dit mademoiselle de Galais, vous serez bientôt instituteur ?» Ma tante allumait au-dessus de nos têtes la lampe de porcelaine qui éclairait faiblement le magasin. Je voyais le doux visage enfantin de la jeune fille, ses yeux bleus si ingénus, et j'étais d'autant plus surpris de sa voix, si nette, si sérieuse. Lorsqu'elle cessait de parler, ses yeux se fixaient ailleurs, ne bougeaient plus en attendant la réponse, et elle tenait sa lèvre un peu mordue. « J'enseignerai, moi aussi, dit-elle, si monsieur de Galais voulait. J'enseignerai les petits garçons, comme votre mère. » Et elle sourit, montrant ainsi que mes cousins lui avaient parlé de moi. « C'est, continua-t-elle, que les villageois sont toujours avec moi polis, doux et serviables, et je les aime beaucoup. Mais aussi, quel mérite ai-je à les aimer ? Tandis qu'avec l'institutrice, ils l'ont, n'est-ce pas? Chicaniers et avares, il y a sans cesse des histoires de porte-plumes perdues, de cahiers trop chers ou d'enfants qui n'apprennent pas. Eh bien, je me débattrais avec eux, et ils m'aimeraient tout de même. Ce serait beaucoup plus difficile. » Et, sans sourire, elle reprit sa pose, songeuse et enfantine, son regard bleu, immobile. Nous étions gênés tous les trois par cette aisance à parler des choses délicates, de ce qui est secret, subtil, et dont on ne parle bien que dans les livres. Il y eut un instant de silence, et, lentement, une discussion s'engagea, mais avec une sorte de regret et d'animosité contre je ne sais quoi de mystérieux dans sa vie, la jeune demoiselle poursuivit. Et puis, j'apprendrais aux garçons à être sages, d'une sagesse que je sais. Je ne leur donnerai pas le désir de courir le monde, comme vous le ferez sans doute, monsieur Sorel, quand vous serez sous maître. Je leur enseignerai à trouver le bonheur qui est tout près d'eux et qui n'en a pas l'air. Marie-Louise et Firmin étaient interdits comme moi. Nous restions sans mot dire. Elle sentit notre gêne et s'arrêta. Se mordit la lèvre, baissa la tête, et puis elle sourit comme si elle se moquait de nous. « Ainsi, dit-elle, il y a peut-être quelque grand jeune homme fou qui me cherche au bout du monde pendant que je suis ici, dans le magasin de Madame Florentin, sous cette lampe, et que mon vieux cheval m'attend à la porte. Si ce jeune homme me voyait, il ne voudrait pas y croire, sans doute. » De la voir sourire, l'audace me prit, et je sentis qu'il était temps de dire, en riant aussi, « Et peut-être que ce grand jeune homme fou, je le connais, moi !» Elle me regardait vivement. À ce moment, le timbre de la porte sonna. Deux bonnes femmes entrèrent avec des paniers. « Venez dans la salle à manger, vous serez en paix, » nous dit ma tante en poussant la porte de la cuisine. Et comme mademoiselle de Galais refusait et voulait partir aussitôt, ma tante ajouta « Monsieur de Galais est ici et cause avec Florentin auprès du feu. » Il y avait toujours, même au mois d'août, dans la grande cuisine, un éternel fagot de sapin qui flambait et craquait. Là aussi, une lampe de porcelaine était allumée, et un vieillard, au doux visage, creusé et rasé, presque toujours silencieux, comme un homme accablé par l'âge et les souvenirs, était assis auprès de Florentin, devant deux verres de marc. Florentin salua. « François !» cria-t-il de sa forte voix de marchand forain, comme s'il y avait eu entre nous une rivière ou plusieurs hectares de terrain. « Je viens d'organiser un après-midi de plaisir au bord du Cher pour jeudi prochain. Les uns chasseront, les autres pêcheront, les autres danseront, les autres se baigneront. Mademoiselle, vous viendrez à cheval. C'est entendu avec monsieur de Galais. J'ai tout arrangé. » « Et François ?» ajouta-t-il comme s'il y eût seulement pensé. « Tu pourras amener ton ami, monsieur Maune. C'est bien Maune qu'il s'appelle. » Mademoiselle de Galais s'était levée, soudain devenue très pâle. Et, à ce moment précis, je me rappelais que Maune, autrefois, dans le domaine singulier, près de l'étang, lui avait dit son nom. Lorsqu'elle me tendit la main pour partir, il y avait entre nous, plus clairement que si nous avions dit beaucoup de paroles, une entente secrète que la mort seule devait briser et une amitié plus pathétique qu'un grand amour. À 4 heures, le lendemain matin, Firmin frappait à la porte de la petite chambre que j'habitais dans la cour au Pintade. Il faisait nuit encore, et j'eus grand-peine à retrouver mes affaires sur la table encombrée de chandeliers de cuivre et de statuettes de bons saints, toutes neuves, choisies au magasin pour meubler mon logis la veille de mon arrivée. Dans la cour, j'entendais Firmin gonfler ma bicyclette, et ma tante, dans la cuisine, souffler le feu. Le soleil se levait à peine lorsque je partis. Mais ma journée devait être longue. J'allais d'abord déjeuner à Sainte-Agathe pour expliquer mon absence prolongée. Et, poursuivant ma course, je devais arriver avant le soir à la Ferté d'Angillon, chez mon ami Augustin Maune. Chapitre 3. Une apparition. Je n'avais jamais fait de longue course à bicyclette. Celle-ci était la première. Mais, depuis longtemps, malgré mon mauvais genou, en cachette, Jasmin m'avait appris à monter. Si déjà pour un jeune homme ordinaire, la bicyclette est un instrument bien amusant, que ne devait-elle pas sembler à un pauvre garçon comme moi, qui naguère encore traînait misérablement la jambe, trempée de sueur, dès le 4e kilomètre. Du haut des côtes, descendre et s'enfoncer dans le creux des paysages, découvrir comme à coup d'aile les lointains de la route qui s'écartent et fleurissent à votre approche, traverser un village dans l'espace d'un instant et l'emporter tout entier d'un coup d'œil. En rêve seulement, j'avais connu jusque-là course aussi charmante, aussi légère. Les côtes même me trouvaient plein d'entrain. Car c'était, il faut le dire, le chemin du pays de Maune que je buvais ainsi. Un peu avant l'entrée du bourg, me disait Maune, lorsque jadis il décrivait son village, on voit une grande roue à palette que le vent fait tourner. Il ne savait pas à quoi elle servait, ou peut-être feignait-il de n'en rien savoir pour piquer ma curiosité davantage. C'est seulement au déclin de cette journée de fin d'août que j'aperçus, tournant au vent dans une immense prairie, la grande roue qui devait monter l'eau pour une métairie voisine. Derrière les peupliers du pré se découvraient déjà les premiers faubourgs. À mesure que je suivais le grand détour que faisait la route pour contourner le ruisseau, le paysage s'épanouissait et s'ouvrait. Arrivé sur le pont, je découvris enfin la grande rue du village. Des vaches paissaient, cachées dans les roseaux de la prairie, et j'entendais leurs cloches, tandis que, descendu de bicyclette, les deux mains sur mon guidon, je regardais le pays où j'allais porter une si grave nouvelle. Les maisons où l'on entrait en passant sur un petit pont de bois étaient toutes alignées au bord d'un fossé qui descendait la rue, comme autant de barques, voiles carguées, amarrées dans le calme du soir. C'était l'heure où dans chaque cuisine on allume un feu. Alors, la crainte, et je ne sais quel obscur regret de venir troubler tant de paix, commencèrent à m'enlever tout courage. À point pour aggraver ma soudaine faiblesse, je me rappelais que la tante Moinelle habitait là, sur une petite place de la Ferté-d'Angillon. C'était une de mes grandes tantes. Tous ses enfants étaient morts, et j'avais bien connu Ernest, le dernier de tous, un grand garçon qui allait être instituteur. Mon grand-oncle Moinelle, le vieux greffier, l'avait suivi de près. Et ma tante était restée toute seule dans sa bizarre petite maison, où les tapis étaient faits d'échantillons cousus, les tables couvertes de coqs, de poules et de chats en papier, mais où les murs étaient tapissés de vieux diplômes, de portraits de défunts, de médaillons en boucles de cheveux morts. Avec tant de regrets et de deuil, elle était la bizarrerie et la bonne humeur même. Lorsque j'eus découvert la petite place où se tenait sa maison, je l'appelai bien fort par la porte entr'ouverte, et je l'entendis, tout au bout des trois pièces en enfilade, pousser un petit cri suraigu. « Elle a, mon Dieu !» Elle renversa son café dans le feu. À cette heure-là, comment pouvait-elle faire du café? Et elle apparut. Très cambrée en arrière, elle portait une sorte de chapeau capote capeline sur le faîte de la tête, tout en haut de son front immense et cabossé, où il y avait de la femme mongole et de la hottentote. Et elle riait à petits coups, montrant le reste de ses dents très fines. Mais tandis que je l'embrassais, elle me prit maladroitement, hâtivement, une main que j'avais derrière le dos. Avec un mystère parfaitement inutile, puisque nous étions tous les deux seuls, elle me glissa une petite pièce que je n'osais pas regarder et qui devait être de 1 franc. Puis, comme je faisais mine de demander des explications ou de la remercier, elle me donna une bourrade en riant. « Va donc ! Ah, je sais bien ce que c'est !» Elle avait toujours été pauvre, toujours empruntant, toujours dépensant. « J'ai toujours été bête et toujours malheureuse, » disait-elle sans amertume, mais de sa voix de fossé. Persuadée que les sous me préoccupaient, comme elle, la brave femme n'attendait pas que j'eusse soufflé pour me cacher dans la main ces très minces économies de la journée. Et par la suite, c'est toujours ainsi qu'elle m'accueillit. Le dîner fut aussi étrange, à la fois triste et bizarre, que l'avait été la réception. Toujours une bougie à portée de la main, tantôt elle l'enlevait, me laissant dans l'ombre, et tantôt la posait sur la petite table couverte de plats et de vases ébréchés ou fendus. « Celui-là, disait-elle, les Prussiens lui ont cassé les anses, en 70, parce qu'ils ne pouvaient pas l'emporter. » Je me rappelais seulement alors, en revoyant ce grand vase à la tragique histoire, que nous avions dîné et couché là, jadis. Mon père m'emmenait dans l'Yonne, chez un spécialiste qui devait guérir mon genou. Il fallait prendre un grand express qui passait avant le jour. Je me souvins du triste dîner de jadis, de toutes les histoires du vieux greffier accoudé devant sa bouteille de boisson rose. Et je me souvenais aussi de mes terreurs. Après le dîner, assise devant le feu, ma grand-tante avait pris mon père à part pour lui raconter une histoire de revenant. Je me retourne. Ah, mon pauvre Louis, qu'est-ce que je vois? Une petite femme grise! Elle passait pour avoir la tête farcie de ses sornettes terrifiantes. Et voici que ce soir-là, le dîner fini, lorsque, fatigué par la bicyclette, je fus couché dans la grande chambre avec une chemise de nuit à carreaux de l'oncle Moinelle, elle vint s'asseoir à mon chevet et commença de sa voix la plus mystérieuse et la plus pointue. « Mon pauvre François, il faut que je te raconte à toi ce que je n'ai jamais dit à personne. » Je pensais, mon affaire est bonne, me voilà terrorisé pour toute la nuit, comme il y a 10 ans. Et j'écoutais. Elle hochait la tête, regardant droit devant soi, comme si elle se fût raconté l'histoire à elle-même. Je revenais d'une fête avec Moinel. C'était le premier mariage où nous allions tous les deux, depuis la mort de notre pauvre Ernest. Et j'y avais rencontré ma sœur Adèle, que je n'avais pas vue depuis 4 ans. Un vieil ami de Moinel, très riche, l'avait invitée à la noce de son fils, au domaine des Sablonnières. Nous avions loué une voiture. Cela nous avait coûté bien cher. Nous revenions sur la route vers 7 heures du matin, en plein hiver. Le soleil se levait. Il n'y avait absolument personne. Qu'est-ce que je vois tout d'un coup devant nous, sur la route? Un petit homme, un petit jeune homme arrêté, beau comme le jour, qui ne bougeait pas, qui nous regardait venir. À mesure que nous approchions, nous distinguions sa jolie figure, si blanche, si jolie, que cela faisait peur. Je prends le bras de Moinel, je tremblais comme la feuille, je croyais que c'était le bon Dieu. Je lui dis, « Regarde, c'est une apparition !» Il me répond tout bas, furieux, « Je l'ai bien vu, tais-toi donc, vieille bavarde !» Il ne savait que faire lorsque le cheval s'est arrêté. De près, cela avait une figure pâle, le front en sueur, un béret sale et un pantalon long. Nous entendîmes sa voix qui disait, « Je ne suis pas un homme, je suis une jeune fille, je me suis sauvée et je n'en puis plus. Voulez-vous bien me prendre dans votre voiture, monsieur et madame ?» Aussitôt, nous l'avons fait monter. À peine assise, elle a perdu connaissance. Et devines-tu à qui nous avions affaire? C'était la fiancée du jeune homme des Sablonnières, Franz de Galais, chez qui nous étions invités aux noces. « Mais il n'y a pas eu de noce, dis-je, puisque la fiancée s'est sauvée. »« Eh bien non, fit-elle toute penaude en me regardant, il n'y a pas eu de noce, puisque cette pauvre folle s'était mise dans la tête 1000 folies qu'elle nous a expliquées. C'était une des filles d'un pauvre tisserand. Elle était persuadée que tant de bonheur était impossible, que le jeune homme était trop jeune pour elle, que toutes les merveilles qu'il lui décrivait étaient imaginaires. Et lorsqu'enfin Franz est venu la chercher, Valentine a pris peur. Il se promenait avec elle et sa sœur dans le jardin de l'archevêché à Bourges, malgré le froid et le grand vent. Le jeune homme, par délicatesse certainement, et parce qu'il aimait la cadette, était plein d'attention pour l'aîné. Alors, ma folle s'est imaginée, je ne sais quoi, elle a dit qu'elle allait chercher un fichu à la maison, et là, pour être sûre de n'être pas suivie, elle a revêtu des habits d'homme et s'est enfuie à pied sur la route de Paris. Son fiancé a reçu d'elle une lettre où elle lui déclarait qu'elle allait rejoindre un jeune homme qu'elle aimait. Et ce n'était pas vrai. « Je suis plus heureuse de mon sacrifice, me disait-elle, que si j'étais sa femme. Oui, mon imbécile, mais en attendant, il n'avait pas du tout l'idée d'épouser sa sœur. Il s'est tiré une balle de pistolet. On a vu le sang dans le bois, mais on n'a jamais retrouvé son corps. Et qu'avez-vous fait de cette malheureuse fille? Nous lui avons fait boire une goutte d'abord, puis nous lui avons donné à manger, et elle a dormi auprès du feu quand nous avons été de retour. Elle est restée chez nous une bonne partie de l'hiver. Tout le jour, tant qu'il faisait clair, elle taillait, cousait des robes, arrangeait des chapeaux et nettoyait la maison avec rage. C'est elle qui a recollé toute la tapisserie que tu vois là. Et depuis son passage, les hirondelles nichent dehors. Mais le soir, à la tombée de la nuit, son ouvrage fini, elle trouvait toujours un prétexte pour aller dans la cour, dans le jardin ou sur le devant de la porte, même quand il gelait à pierre fendre. Et on la découvrait là, debout, pleurant de tout son cœur. Eh bien, qu'avez-vous encore, voyons? « Rien, madame Moinel. » Et elle rentrait. Les voisins disaient, « Vous avez trouvé une bien jolie petite bonne, madame Moinel. » Malgré mes supplications, elle a voulu continuer son chemin sur Paris, au mois de mars. Je lui ai donné des robes qu'elle a retaillées, Moinel lui a pris son billet à la gare et donné un peu d'argent. Elle ne nous a pas oubliés. Elle est couturière à Paris, auprès de Notre-Dame. Elle nous écrit encore pour nous demander si nous ne savons rien des sablonnières. Une bonne fois, pour la délivrer de cette idée, je lui ai répondu que le domaine était vendu, abattu, le jeune homme disparu pour toujours et la jeune fille mariée. Tout cela doit être vrai, je pense. Depuis ce temps, ma Valentine écrit bien moins souvent. » Ce n'était pas une histoire de revenant que racontait la tante Moinelle de sa petite voix stridente si bien faite pour les raconter. J'étais cependant au comble du malaise. C'est que nous avions juré à Franz le bohémien de le servir comme des frères, et voici que l'occasion m'en était donnée. Or, était-ce le moment de gâter la joie que j'allais porter à Maune le lendemain matin et de lui dire ce que je venais d'apprendre? À quoi bon le lancer dans une entreprise mille fois impossible? Nous avions en effet l'adresse de la jeune fille, mais où chercher le bohémien qui courait le monde? Laissons les fous avec les fous, pensais-je. Delouche chez Bougerdon n'avait pas tort. Que de mal nous a fait ce Franz romanesque! Et je résolus de ne rien dire tant que je n'aurais pas vu marier Augustin Maune et Mademoiselle de Galais. Cette résolution prise, il me restait encore l'impression pénible d'un mauvais présage, impression absurde que je chassais bien vite. La chandelle était presque au bout, un moustique vibrait, mais la tante Moinelle, la tête penchée sous sa capote de velours qu'elle ne quittait que pour dormir, les coudes appuyés sur ses genoux, recommençait son histoire. Par moments, elle relevait brusquement la tête et me regardait pour connaître mes impressions, ou peut-être pour voir si je ne m'endormais pas. À la fin, sournoisement, la tête sur l'oreiller, je fermai les yeux, faisant semblant de m'assoupir. « Allons, tu dors !» fit-elle d'un ton plus sourd et un peu déçu. J'eus pitié d'elle et je protestais. « Mais non, ma tante, je vous assure !»« Mais si !» dit-elle. « Je comprends bien d'ailleurs que tout cela ne t'intéresse guère. Je te parle là de gens que tu n'as pas connus. » Et lâchement, cette fois, je ne répondis pas. Chapitre 4. La grande nouvelle. Il faisait le lendemain matin, quand j'arrivai dans la grand-rue, un si beau temps de vacances, un si grand calme, et sur tout le bourg passaient des bruits si paisibles, si familiers, que j'avais retrouvé toute la joyeuse assurance d'un porteur de bonnes nouvelles. Augustin et sa mère habitaient l'ancienne maison d'école. À la mort de son père, retraité depuis longtemps et qu'un héritage avait enrichi, Maune avait voulu qu'on achetât l'école où le vieil instituteur avait enseigné pendant 20 années, où lui-même avait appris à lire. Non pas qu'elle fût d'aspect fort aimable. C'était une grosse maison carrée comme une mairie qu'elle avait été. Les fenêtres du rez-de-chaussée qui donnaient sur la rue étaient si hautes que personne n'y regardait jamais. Et la cour de derrière, où il n'y avait pas un arbre et dont un haut préau barrait la vue sur la campagne, était bien la plus sèche et la plus désolée cour d'école abandonnée que j'aie jamais vue. Dans le couloir compliqué où se trouvaient 4 portes, je trouvai la mère de Maune, rapportant du jardin un gros paquet de linge qu'elle avait dû mettre sécher dès la première heure de cette longue matinée de vacances. Ses cheveux gris étaient à demi défaits, des mèches lui battaient la figure, son visage régulier sous sa coiffure ancienne était bouffi et fatigué, comme par une nuit de veille, et elle baissait tristement la tête d'un air songeur. Mais, m'apercevant soudain, elle me reconnut et sourit. « Vous arrivez à temps, dit-elle.